Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir le cours particulier en compagnie du traducteur Brice Mathieu-Sang, initialement diffusé le 30 avril 2021. Les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui en compagnie de Brice Mathieu-Sang. Une minute, Madame Berger. J'aimerais terminer ce chapitre. On a bien travaillé ce matin. Mais non, je fictive pas. Je suis en retard. Comment va Bob Sinclair? Il est à Acapulco. Oh, j'aime bien Acapulco. Je vais probablement y passer cet hiver. Vous connaissez? Non. C'est, on travaille sur documents, alors un bon plan et quelques prospectus. Ben oui. Vous avez sûrement plus de satisfaction que moi, au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens. Parfait. Bon, allons-y. Bonjour Brice Mathieu-Sang. Bonjour. Bienvenue sur les chemins merci, de la philosophie. Merci. Est-ce que le traducteur et l'écrivain que vous êtes ressemble à François Merlin, le personnage joué par Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, pris entre les soucis domestiques, l'éditeur, les lecteurs qu'il fait rêver et au fond il galère derrière sa machine à écrire tous les jours? Ben oui, le problème c'est de trouver du temps, et du temps continu. Donc il y a l'idée peut-être... de cajoler un ermitage, un endroit isolé, une cabane, un lieu où on sera à l'abri de la femme de ménage, des coups de téléphone, de l'éditeur qui veut savoir exactement où on en est et qui en général est pas du tout au courant de ce qui se passe et de la réalité concrète du travail, que ce soit un travail d'écriture ou un travail de traduction d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très matérielles et c'est vrai que les gens ne sont pas tout à fait au courant de ça parce qu'il y a une espèce de mythe, de mythologie comme ça qui vient se greffer sur à la fois le travail du traducteur. On a parfois l'impression, enfin des gens, même des lecteurs, même des gens cultivés, on a l'impression qu'il suffit de se mettre à sa machine à écrire ou à l'ordinateur, et puis ça va tout seul, et puis on tape, et puis on tape, et puis il y a une espèce de mythologie comme ça qui vient. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'interruptions. Je pense quand on traduit et quand on écrit aussi, il y a beaucoup d'interruptions. Alors c'est pas forcément la femme de ménage ou le coup de fil, c'est ne serait-ce que des recherches dans les dictionnaires, des recherches sur Internet, des recherches de documentation. Le fait qu'on est facilement soi-même dans une espèce de digression, et il faut éviter que cette digression soit permanente. C'est-à-dire qu'on se met à lire un passage d'un livre qui est assez proche du projet littéraire qu'on a, et tout d'un coup on tombe dans ce livre, et on en oublie son propre projet. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui arrive de temps en temps, et il faut faire attention à ce que ça se systématise pas, et tout de suite se remettre sur les rails, parce que sans ça on perd très vite de vue. On perd de vue la destination à laquelle vers laquelle on allait, et on se retrouve à lire pendant un temps, tout d'un coup, très long, quelque chose qui devait simplement servir de documentation. Voilà. Et donc, il y a une espèce de côté Tristram Shandy en permanence, mais avec la bibliothèque. Ou alors avec l'idée de, on va se faire un café, on va regarder le courrier, on va sur Internet faire autre chose. Bon, tout le monde sait qu'Internet, c'est évidemment chronophage et qu'on se retrouve très vite à surfer, comme on dit, d'un site sur un autre, etc. Et on perd de vue, finalement, on perd de vue non seulement le temps, mais peut-être le projet de travail qui était à l'origine de ces recherches. Alors quel est-il ce projet? Comment vous définissez le projet qui vous conduit, qui vous anime quand vous traduisez? Alors quand on traduit, il y a des considérations qui peuvent être des considérations un peu théoriques et qu'on a lorsqu'on ne traduit pas. C'est-à-dire que moi je suis absolument convaincu, par exemple, que traduire... Il faut tout traduire, tout doit être traduit, mais que rien ne peut être traduit. Ah. Bon, alors rien ne peut être traduit, pourquoi? Pour des raisons finalement assez simples, c'est que les mots n'ont pas les mêmes sens dans deux langues différentes. Tout est intraduisible? Tout est intraduisible. Mais il faut quand même essayer. Mais il faut quand même tout traduire. Il faut quand même tout traduire. Et tout traduire en plus. Oui, non seulement dans le texte qu'on est en train de traduire, mais tous les textes devraient être traduits. y compris les textes dont on dit toujours qu'ils sont intraduisibles. Ouais. Comme, prenons, je sais pas, Finnegan's Wake, de Joyce, ou alors des poésies extrêmement hermétiques, où on se dit c'est totalement intraduisible. Moi, je suis absolument convaincu que ça doit être traduit. Il faut le traduire. Bon. Mais en même temps, n'importe quel texte, même le plus simple, à mon avis, est totalement intraduisible. Pour une raison qui est assez évidente, finalement, c'est que les mots n'ont pas du tout les mêmes connotations dans une langue et dans une autre. Donc finalement, tous les dictionnaires sont mensongers. Ils nous racontent des cracks. Quand on voit, par exemple, que bread en anglais se traduit par pain en français, évidemment que ça se traduit par pain, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ah bon ? Il n'y a pas les mêmes connotations entre, par exemple, le pain américain et la baguette française. Le pain américain, c'est une espèce de saleté blanche, en général carrée ou triangulaire, qui sert à faire des sandwichs. Et il y a une espèce de, là encore, de mythologie de la baguette française, qui fait que c'est un des symboles de notre alimentation. On peut pas imaginer un repas sans baguette. Mais ça, c'est vrai dans une seule langue. Il y a un travail de traduction même du français vers le français, non, pour affiner la pensée. C'est une différence de nature ou de degré de subtilité d'une langue à l'autre. Moi, je pense que c'est un. Par exemple, je prends un autre exemple. Le mot space en américain, l'espace, renvoie à toute une histoire de l'espace, de la frontière, de la wilderness, de la conquête de l'espace progressive à partir de la côte est vers la côte ouest au 19e siècle, qui n'a absolument aucun équivalent dans la mythologie ou dans l'histoire française. Donc ce que vous dites, c'est que traduire, c'est pas qu'une affaire de sens littéral. C'est une affaire de culture, d'horizon sémantique à l'arrière. C'est une affaire de connotation, et je pense que tous les mots, mais même les plus simples, n'ont pas tout à fait la même connotation d'une langue à une autre. Donc on se retrouve dans une sorte de situation étrange où on est entre deux langues. On est entre deux langues et on ne sait pas très très bien de quel côté il faut aller. Donc il y a ceux qui sont plutôt les sourciers. Donc ils veulent rester près de la langue source et essayer de garder même parfois dans certains cas extrêmes des structures syntaxiques de la langue source. Je pense à des traductions du latin qui ont été faites dans un français latinisé, donc avec le verbe en fin de phrase. Donc ça fait un français complètement, non pas illisible, mais totalement novateur, totalement nouveau. Ou alors il y a les ciblistes. Mmh. Alors les ciblistes, c'est ceux qui disent, on oublie totalement le texte de départ et on essaye de faire couler ça le mieux possible dans la langue française. Bon, donc on voit bien qu'il y a deux... Et vous vous situez où ? Ça dépend des textes. Ah oui ? Oui, j'ai pas de position définitive. Je pense que chaque texte justifie, c'est un des intérêts de la traduction, c'est-à-dire où est-ce qu'on va se situer en traduisant tel texte entre les deux, ces deux positions extrêmes. Voilà. Vous avez traduit aujourd'hui plus de 200 romans, essais de langue anglaise, Brice Mathieu-Sen. Vous avez traduit, alors j'en cite, mais il y en a vraiment énormément, Jack Kerouac, Henry David Thoreau, Jim Harrison, John Fante, Charles Bukowski, Henry Miller, Thomas McGuane, Richard Ford, Bret Easton Ellis, Judith Butler, Susan Sontag. Il en reste. Pourquoi la langue anglaise ? Et est-ce que vous vous souvenez des raisons qui ont fait qu'un jour vous avez dit « je serai traducteur » ? Je me souviens pas des raisons qui m'ont poussé à être traducteur, mais je peux répondre sur la question de la langue anglaise. Mon père allait souvent aux États-Unis et il était très fanatique de la culture américaine. Et ma mère était plutôt dans l'admiration de la littérature anglaise. Ouais. Et donc il y a une espèce de filiation comme ça, de continuation d'une tradition familiale. Même si par ailleurs les choses ont été beaucoup plus complexes, mais il y a cette idée de poursuivre, mais je me suis jamais formulé comme ça en fait. Ah oui. Au moment où j'ai commencé à traduire. J'ai commencé à traduire des textes qui étaient des textes plutôt de la Beat Generation. Donc, vous aviez quel âge, vous faisiez j'avais quoi? 20 ans, 22 ans. J'avais 20 c'était pas ans, un métier ans. À cette époque. Non, c'était pas un métier. Curieusement, j'ai jamais considéré ça comme un métier non plus. Ah bon? Non, j'ai jamais considéré ça comme un métier. Ah, c'est pas votre métier, traducteur? J'ai toujours écrit par ailleurs. Ouais. Et j'ai toujours enseigné aussi. J'ai toujours enseigné. Enseigné quoi? Alors, j'ai enseigné l'histoire de l'art à l'école d'art de Marseille. Et j'ai enseigné la traduction littéraire dans un DESS, ça s'appelait un DESS. Aujourd'hui, ça s'appelle un master à Paris 7, à Paris donc. Voilà, donc j'ai toujours enseigné. J'ai toujours travaillé comme critique. J'ai écrit, je sais pas combien de préfaces à des livres que j'ai traduits ou que j'ai pas traduits. Et donc, il y a toujours eu une pratique de l'écriture. Et je me souviens que j'ai commencé peut-être à, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, 21 ans. J'étais voir Maurice Nadeau à la Quinzaine littéraire. Et j'ai commencé à écrire dans la Quinzaine littéraire. Voilà. Et avant de traduire d'ailleurs. C'était avant de traduire. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup pour un éditeur qui s'appelle Christian Bourgois. Mm-hmm. Et c'est lui qui a commencé à me donner des traductions qui m'ont beaucoup intéressé parce que ça correspondait à ce que je voulais traduire. Et ça s'est fait comme ça, sur un claquement de doigts. Il m'a donné le dernier roman de Kerouac à traduire. Je sais pas, je devais avoir 25 ans. Et tout d'un coup, ça a été une espèce de cadeau absolument incroyable. Et je suis resté assez fidèle donc à Christian Bourgois parce que c'était quand même l'éditeur d'Allen Ginsberg, de William Burroughs, de tous les poètes de la Beat Generation, des livres de Kerouac qui restaient. Il y en avait pas beaucoup, mais il en restait quand même quelques-uns. J'ai traduit aussi un autre livre de Kerouac à partir du moment où j'ai eu une collection chez Christian Bourgois. Donc ça s'appelle Vision de Cody, qui est un livre de Kerouac qui est assez méconnu, mais que je trouve absolument fabuleux. Et donc c'est parti d'un goût pour la Beat Generation. C'est ça. Voilà. Et alors que moi, mes études étaient plutôt du côté de l'ingénieur. Je suis ingénieur des mines de Paris. Donc j'ai fait les classes préparatoires et je suis rentré aux mines de Paris. Et dès que je suis rentré aux mines de Paris, j'ai fait de la philo. Je me suis inscrit à Paris 1 en philosophie. Ok, donc. Et puis après, j'ai fait un doctorat de philosophie. Et je n'ai jamais exercé en tant qu'ingénieur. Et j'ai plutôt continué à traduire et à écrire. Donc voilà, c'est une espèce de vocation comme ça qui a été perturbée ou qui a été retrouvée plutôt sur le tard. Et alors qu'il y a eu une espèce de fausse piste ou de fausse route au début. Et finalement, la traduction est quelque chose que j'ai adopté sans vraiment l'avoir jamais, sans vraiment l'avoir jamais choisi, ni l'avoir théorisé. Mais c'était une espèce d'amour et de curiosité pour la littérature américaine des années 70, qui s'est poursuivie pendant les années 80, les années 90, les années 2000. Voilà. Alors on va plonger ensemble dans cet univers-là qui est devenu le vôtre, Brice Mathieusson. Avant ça, on va essayer de creuser encore un peu la distinction et les similitudes entre la traduction et l'écriture. Écoutez comment Borges parle de son traducteur Nestor Ibarra. Ibarra me connaît depuis des années. Il a un sens très vif du langage. Comme argentin, il connaît l'espagnol parfaitement. Et il connaît toutes mes habitudes littéraires. Je dirais même qu'il connaît toutes mes manies, tous mes tics littéraires. Et je suis sûr qu'il fera une traduction qui sera non seulement très juste, mais vraisemblablement très supérieure au texte. Ibarra, il a un grand talent littéraire. Je ne sais quelle modestie ou quelle ironie te l'empêche d'écrire. Ou en tout cas de publier ce qu'il écrit. Il préfère traduire. Peut-être pense-t-il que le métier de traducteur est plus subtil, plus civilisé que celui d'écrivain, non? Car le traducteur, évidemment, vient après l'écrivain, non? C'est une étape plus avancée. Vous écoutez France Culture, Les Chemins du Vendredi, cours particulier aujourd'hui en compagnie du traducteur Brice Mathieusson. Nous venons d'entendre la voix de Borges qui parle, et c'est très émouvant d'entendre parler de son traducteur Nestor Ibarra. C'était sur France Culture le 1er mars 1965. Pensez-vous, Brice Mathieusson, que les traducteurs sont tous des écrivains en puissance, comme semble le dire Borges? En puissance ou en acte d'ailleurs, oui. Parce qu'un traducteur est un écrivain. Oui, ben Borges, il a ça de particulier, que c'est un écrivain second. C'est-à-dire que il écrit toujours à propos d'un autre texte, d'un texte qui existe avant lui et qui a subi des transformations, parfois des traductions. J'ai relu le livre de Sable il y a pas longtemps, et dans le livre de Sable, il y a certaines nouvelles fantastiques qui partent de la traduction sans doute erronée d'un texte de l'Antiquité, et dans les erreurs de traduction, il se passe tout un tas de choses, de subtilités métaphysiques, et qui font que ça crée une nouvelle fantastique. Bon, et quand je dis que c'est un écrivain second, c'est qu'il part souvent de textes, pas forcément de problèmes de traduction, mais toujours de quelque chose qui préexiste et qui est de l'ordre du langage. Mmh. Ça peut être un récit, une confidence, les dernières paroles d'un homme sur son lit de mort. Mais ça part toujours de quelque chose qui préexiste, qui est de l'ordre du langage et souvent de l'écriture. Donc, ce qui l'intéresse Borges dans cette histoire de traduction et de traduction de sa propre œuvre, c'est le fait que Ibarra, qui est son traducteur donc, Ibarra vient en second, donc ouais. Comme Borges. Donc il vient presque en troisième position, puisque Borges souvent vient déjà en seconde position par rapport à un récit qu'il aurait enregistré ou des confidences qu'on leur a faites, etc. Mais l'opération dont il parle, c'est la traduction. Donc Ibarra est son traducteur. Et en même temps, il dit cette chose, je trouve extraordinaire, enfin de modestie en même temps, c'est que la traduction sera peut-être parfois meilleure que l'original. Bah oui, il dit le traducteur vient après l'écrivain, donc son travail est forcément plus subtil. Il est plus subtil ou il est plus compliqué, ou en tout cas il est très très différent. Il y a une chose très très concrète, très évidente, quand on se met au travail le matin et qu'on est traducteur, c'est qu'on sait très bien où on va. On sait très bien sur quel texte on va travailler. Donc on n'a qu'à. Ouais, y a qu'à. On regarde le texte qui préexiste et on essaye, on hasarde parfois, quand c'est compliqué, on hasarde des choses, une première version, une première mouture. Et on essaye de voir dans quelle mesure cette première mouture correspond à peu près à quelque chose qui est suggéré dans le texte de départ. Et on affine, en général, on affine, et non seulement on affine, mais on revient dessus longtemps après. C'est-à-dire que quand on traduit un livre, souvent les premières pages sont revues à la fin du livre, parce qu'on connaît le livre, on sait à peu près quel est, je sais pas comment le dire, le style, le ton, la particularité, la spécificité du livre. Alors qu'au début, lorsqu'on le traduisait, quand on traduisait les premières pages, on se lançait dans une espèce de... On se lançait à l'aveuglette. Comment vous procédez, justement, quand vous êtes face à un livre qu'on vous demande de traduire ou que vous choisissez de traduire? J'imagine que vous commencez par le lire, puis vous renseignez... Ah non? Non, pas forcément, non. Non, j'ai beaucoup d'amis qui sont traducteurs qui ne lisent surtout pas le livre qu'ils vont traduire. C'est au fur et à mesure. Alors oui, c'est au fur et à mesure, parce que il y a le désir d'être surpris et de ne pas savoir ce qui va se passer d'un paragraphe à l'autre. Alors évidemment, il y en a d'autres qui le lisent entièrement. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que je le lis entièrement et le temps que il y ait toutes les formalités d'usage, c'est un peu comme on passe la douane avant de s'envoler pour l'étranger. Hein. Il y a pas mal de formalités d'usage, il y a des temps d'attente, on n'est pas à l'aéroport, mais on est dans un rapport avec l'éditeur où on ne sait pas très bien comment ça va tourner, il y a beaucoup de paramètres à définir. Et pendant tout ce temps-là, ça m'arrive d'oublier la fin du livre, par exemple. Ou alors, je me force à oublier la fin du livre, ou même la seconde moitié du livre, ou garder seulement présent à l'esprit une atmosphère, quelques personnages, mais essayer de ne plus avoir présent en tête l'intégralité du livre. De manière à ce que, lorsque je traduis, je redécouvre, avec une sorte d'étonnement, où je redécouvre... c'est-à-dire, je me souviens de ma première réaction à la lecture, ouais. Et en même temps, je m'aperçois que c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Votre travail? Non, ce qu'il a fait, ce que l'auteur a fait. Ah oui, c'est quand même pas mal. Mais c'est ça. Vous avez besoin d'admirer les textes que vous traduisez, non? Bien sûr. Ouais. Oui. Ça m'est arrivé de traduire des choses que je n'aimais pas. C'est un calvaire. J'imagine. Oui, c'est un calvaire. Oui. Et surtout quand c'est long. Quand c'est long, c'est vraiment un calvaire. Oui. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce que c'est pas un luxe de pouvoir choisir les livres qu'on va traduire? Oui, c'est un luxe. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, enfin, quand je racontais tout à l'heure que j'ai traduit Kerouac, c'était sans doute ma deuxième ou troisième traduction, j'ai eu une chance folle. Et après, j'ai réussi à faire en sorte de traduire quasiment que des livres que j'aimais, oui, que des livres qui me plaisaient et dans lesquels j'avais envie de me plonger, d'être plus intime avec le livre. La dernière fois que j'ai revu Faulkner, je lui ai dit tout ce que je lui devais. Il m'a dit que lui-même devait beaucoup. Enfin, je lui ai dit, vous savez, vous êtes un auteur très difficile à traduire. Je puis vous avouer que chaque fois que j'ai traduit un de vos livres, j'ai toujours eu conscience que je vous trahissais et que je ne vous rendais pas justice. Et c'est là où il m'a dit, mais pourquoi vous préoccupez de cela? S'il y avait des choses difficiles, eh bien, vous n'aviez qu'à les laisser, puis passer. Il me l'a répété plusieurs fois, il m'a dit, mais non, un ouvrage écrit est écrit, il appartient après à mes lecteurs, il m'appartient au public... Et le public peut en faire ce qu'il veut. Je n'ai absolument rien à voir à dire. La seule chose que je fais quand un ouvrage est terminé, j'en commence un autre. Je lui dis, mais les adaptations cinématographiques de vos œuvres, qui étaient des choses incroyables, n'est-ce pas, avec des dénouements heureux. Je dis, vous n'avez jamais même protesté. Alors il m'a dit avec un petit sourire, je les ai jamais vus. Alors je ne peux pas protester. C'était la voix de Maurice Edgar Coindreau, un traducteur français de l'espagnol et de l'anglais, qui a aussi enseigné la littérature française à Princeton jusqu'en 61. Il a fait découvrir notamment à la Maison Gallimard Faulkner, Hemingway, Dos Passos, Steinbeck, Truman Capote, Flannery O'Connor et d'autres encore. Il dit plusieurs choses très intéressantes, Brice Mathieusson, notamment, comment ne pas commenter cette formule, il dit, mais il parle de son souci de trahir le texte. Est-ce que le traducteur est forcément quelqu'un qui va trahir? Alors là, je m'oppose complètement à cette chose-là. Je ne supporte pas cette idée qui est vraiment péjorative pour le traducteur et qui le rabaisse énormément. Tout de suite, il y a ce fameux proverbe « traduire, c'est trahir ». Je trouve ça absolument scandaleux. Ça donne une image du traducteur qui est totalement dévalorisante et qui crée une sorte de fossé énorme entre l'auteur qui est une espèce de dieu qu'on met sur un socle et qui est près du ciel et le traducteur qui serait une espèce de petit hacheron crétin, idiot, qui est incapable de saisir toute la dimension extraordinaire d'un auteur. Et je trouve ça absolument scandaleux, cette manière de dévaloriser. Je dis pas que c'est toujours le cas dans la bouche des critiques, mais ce proverbe signifie quand même que le traducteur est forcément un traître. Et mais vous disiez vous-même que rien n'était traduisible. Non, alors, oui. Je nuancerai cette chose-là en disant que le traducteur est évidemment quelqu'un qui trahit sans cesse, qui trahit tout le temps, mais encore faut-il savoir de quelle manière. C'est-à-dire, il y a un art de la trahison qui est extraordinaire. Je sais pas, Aguirre, La colère de Dieu, le film de Werner Herzog, que Deleuze adorait d'ailleurs, est un film qui parle de trahison, mais de trahison créative, et d'espèce de délire incroyable de nouveauté, de création, de... quasiment dans l'idée de recréer une nouvelle civilisation, et peut-être d'abolir la civilisation. Bon, ce qui n'est pas du tout le cas du traducteur. Hein. Mmh. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des trahisons qui sont extrêmement créatives, et il y a des trahisons qui sont banales et stupides, sans intérêt. Donc trahison n'est pas le bon terme, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faudrait comme terme, justement, vous qui devez avoir le sens du mot juste? Il faut comprendre que les langues, enfin que les dictionnaires sont totalement trompeurs, et que, évidemment, il n'y a pas moyen de traduire autrement « bread » que par « pain » ou « space » par « espace ». Mais si on n'a pas conscience que on fait un faux sens, malgré tout, malgré soi, malgré les dictionnaires, et malgré l'acceptation de tout le monde, qui va accepter évidemment que « bread » soit traduit par « pain » et « space » par « espace », il faut sentir, savoir que c'est quelque chose qui est totalement erroné. Ouais. Voilà, il faut avoir conscience de cette chose-là. Bon, donc le traducteur ne cesse de trahir, ne cesse de d'être à côté de la plaque, d'être en dehors du propos, de remplacer une réalité par une autre réalité, de faire prendre des vessies pour des lanternes, de mélanger les torchons avec les serviettes. Oui, il n'arrête pas de faire ça. Mais s'il s'en rend pas compte, là, il trahit mal. S'il s'en rend compte, je pense qu'il peut trahir correctement, bien en ayant conscience que le résultat, c'est-à-dire le texte français en l'occurrence, n'a pas grand-chose finalement, n'a pas grand-chose à voir avec l'original. La VO n'a pas grand-chose à voir avec la VF. Pas grand-chose, mais peut-être à 60%, enfin ça dépend des textes évidemment, mais le pourcentage varie, mais malgré tout, c'est totalement autre chose. Et donc ça devient son œuvre? Bien sûr. Vous avez une œuvre de traduction dont vous êtes l'auteur? Bien sûr, c'est ça, on peut dire qu'on est auteur d'une traduction, bien sûr, oui. La preuve, c'est que quelqu'un d'autre qui va traduire le même texte va donner quelque chose de totalement différent, et le public est à chaque fois estomaqué, enfin les lecteurs, quand ils consultent deux traductions du même texte. Je pense par exemple au célèbre exemple Le Corbeau de Edgar Poe, traduit par Mallarmé ou traduit par Baudelaire, c'est à chaque fois quelque chose de totalement différent. Ou même Edgar Poe, qui est traduit par Baudelaire. Il fait du Baudelaire lorsqu'il traduit son Edgar Poe. C'est ça. Certains pensent que Edgar Poe n'est connu en France que grâce au travail de Baudelaire. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et en plus, Baudelaire, c'est encore plus compliqué parce qu'il a choisi les nouvelles d'Edgar Poe qui correspondaient à sa propre esthétique. Parce qu'il y en a plein d'autres, comme ça a été montré dans une récente édition, des œuvres complètes, enfin pas des œuvres complètes, mais des nouvelles complètes d'Edgar Poe, on s'aperçoit que le portrait qu'en dresse ou qu'en construit Baudelaire n'a rien à voir avec la réalité d'Edgar Poe. Ça a à voir avec un double que Baudelaire se fantasme de l'autre côté de l'Atlantique. Et quel est le statut de ce double qu'est le traducteur? J'essaye de cerner. Donc c'est une sorte de traître, mais pas vraiment. Disons qu'il subvertit un sens initial. Il devient auteur à son tour. Il n'est pas vraiment reconnu comme tel. Le nom des traducteurs est heureusement écrit sur les livres, mais souvent en petit derrière, etc. C'est un statut étrange, celui de traducteur. Est-ce qu'il a la reconnaissance qu'il mérite? Alors là, les choses ont beaucoup changé depuis... peut-être depuis l'époque où j'ai commencé à traduire, moi, c'est-à-dire les années 70. Dans les années 70, il y avait encore dans les maisons d'édition une pratique qui consistait à donner une traduction à un traducteur, une traductrice, de recevoir le tas de feuillets, il n'y avait pas d'informatique à l'époque encore, hein, le tas de feuillets, et on mettait tout de suite ça en fabrication. Mmh. Et il n'y avait pas d'intermédiaire. Je crois que ça a commencé quand même un petit peu plus tard à se généraliser dans les maisons d'édition. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui passaient un temps fou à corriger les traductions, à regarder par rapport au texte d'origine, voir s'il n'y avait pas d'oubli, voir s'il n'y avait pas de choses qui n'allaient pas, voir si c'était quand même assez fidèle au texte original. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Thoreau et de Walden. La première traduction chez Gallimard, qui date de 1928, je crois, ça a été fait par un traducteur qui ne parlait pas anglais, il comprenait pas l'anglais. Donc sans doute, il a été aidé. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Monsieur Fabulet, et il fabulait beaucoup. Vous avez traduit ce texte aux éditions Le Mot et le Reste, je le précise, oui, c'est ça, Walden. Il n'y a pas de hasard. Et je me suis aperçu que quand une phrase le gênait, il la supprimait. Ou alors... Oui, mais c'est ce que disait Faulkner à son traducteur Coindreau dans l'extrait qu'on a entendu. Si c'est trop difficile, vous passez. Si c'est trop difficile, vous laissez tomber, bien sûr. Oui. Et Faulkner ne voyait aucun inconvénient à ça. Bon, ça me rappelle ce que me disait Jim Harrison quand il a vu Dalva en français. Il m'a dit, mais c'est énorme ce livre. Brice, tu as dû rajouter des chapitres. Peut-être tu as rajouté des personnages même. Donc c'est l'inverse de Faulkner. Hein. Faulkner disait, mais vous, si vous comprenez pas, ben vous sautez. Et puis si ça vous ennuie, vous sautez aussi. Vous pouvez raccourcir. Jim Harrison me disait le contraire. Il me disait, si tu veux rajouter, tu rajoutes. Je pense que Jim avait une volonté de, peut-être plutôt de grossir, d'être un ogre. Et il pensait peut-être que le traducteur était aussi un ogre. Et que cet ogre, au lieu, il mangeait évidemment le texte, mais dans ce qu'il redonnait, il pouvait l'étoffer. Il pouvait l'étoffer de manière à obtenir un texte plus gros, moins mince. Et Jim avait toujours horreur de la minceur, la cuisine minceur, tout ça le débectait. Et peut-être inconsciemment, il s'est dit, traduire, c'est un art d'étoffer. Voilà. Et donc, il me faisait confiance pour rajouter des personnages, rajouter des chapitres si j'avais envie, ce que, évidemment, j'ai jamais fait. Allez, pour le plaisir, voici la voix de Jim Harrison. Here's an interesting point. The psychiatrist told me 2 years ago, well after the fact. Anecdote intéressante, il y a 2 ans, un psychiatre m'a dit à quel point il était étonné de voir autant d'écrivains avec des problèmes de vue. Il y a James Joyce et beaucoup d'autres, la liste est longue. Et un jour, j'étais à bord d'un bus à Montréal, où je participais à une conférence de poésie, et j'étais avec deux écrivains poètes absolument phénoménaux, Robert Creeley et Robert Duncutt, et on a rigolé tous les trois parce qu'on s'est aperçu qu'on était tous les trois borgnes, on avait tous les trois perdu notre œil gauche. Alors, j'ai pas perdu mon œil gauche, hein, ni l'œil droit, mais j'ai... c'est amusant, n'empêche, cette anecdote. Cette idée que l'écrivain a des problèmes de vue. Ouais. Évidemment, Jim Harrison était borgne, mais c'est pas dû à l'écriture. Il suffit pas d'être borgne pour être un grand écrivain, non, c'est ça qu'on peut dire. Borgne non plus, sans ça, le Capitaine Crochet serait aussi un grand écrivain et tant d'autres. Mais vous avez traduit presque 20 livres de Jim Harrison. Oui. Et plus, je crois un peu plus. Alors justement, comment ça se passe quand on traduit un auteur? Vous disiez, je lis pas le livre à l'avance, mais là, quand vous traduisiez un univers, vous le connaissiez, j'imagine. Comment est-ce que vous travailliez avec Jim Harrison? Alors avec Jim Harrison, ce qui a commencé, moi j'ai commencé à travailler, j'ai commencé par traduire. C'était juste avant Dalva. J'ai traduit Sundog, et j'ai appelé ça Faux Soleil. Très mauvais titre en français. Ah bon? Traduction nulle. 1988. Oui, Sundog, c'est quand même le chien du soleil. Alors c'est vrai que ça veut dire aussi un phénomène, alors pour le coup on rejoint des problèmes de vision, c'est un phénomène météorologique qui fait qu'il y a 2 soleils dans le ciel. Mmh. Dans certaines circonstances, il y a 2 soleils. Comme les gens qui ont 2 yeux. Normalement, le ciel est borgne. Comme Jim Harrison, le ciel est borgne, il n'y a qu'un seul soleil. Bon. Mais avec le Sundog, il y a deux soleils qui... Alors, il y a un terme un peu savant, ça s'appelle la parélie, mais comme titre de roman, c'était pas terrible. Bon. Ouais. Donc, faux soleil, j'ai trouvé que c'était pas si mal, mais en même temps, c'est Sun Dog, donc c'est un nom indien, et c'est le chien du soleil. Donc aujourd'hui, je pense que je traduirai plutôt par Sun Dog, et j'ai commencé, j'avais plein de questions à lui poser. Aujourd'hui, évidemment, on se dit, c'est tellement facile, un mail, on envoie un mail, etc. Moi, je lui ai envoyé des lettres à Jim Harrison. Les lettres mettaient 15 jours à arriver là-bas. Vous ne l'aviez pas encore rencontré? Non, je ne l'avais pas encore rencontré. Et il me répondait assez vite, mais son courrier mettait aussi 15 jours. Donc, je recevais la réponse à ma question un mois après l'avoir posée. Bon, et donc après, je corrigeais ou je faisais en sorte que ce qu'il me répondait soit intégré à la traduction. Mais les rapports étaient beaucoup plus ralentis, étaient beaucoup plus lents à l'époque, et ça donnait une sorte de qualité particulière, de réflexion. Et j'ai beaucoup de lettres manuscrites de Jim, comme ça. Si j'avais que des mails, enfin les mails, ça va pas beaucoup, enfin, bien sûr c'est très très pratique, mais ça n'a pas ce côté de présence que peut avoir l'écriture manuscrite, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de « à l'ancienne », mais qui fait que j'ai, par chance, beaucoup de lettres de Jim Harrison, où il en profite aussi pour me raconter beaucoup de choses sur ses chiens, ses balades. Donc c'est un rapport d'amitié qui s'est tissé. C'était le début d'une amitié, et le début de cette amitié a été épistolaire. Et c'est pas du tout lié... je pense qu'avec les mails, ça aurait été très très différent. Donc ça a commencé comme ça. Et on s'est vu, il est venu souvent en France, évidemment, il venait très souvent en France, à partir du moment où il a été publié chez Christian Bourgois. Avant, je crois pas qu'il soit venu quand il était chez Robert Laffont, mais après, il est venu très très souvent, et on s'est vu, moi je suis allé le voir aux États-Unis, et donc il y a eu une amitié qui est née. Et je lui posais les questions, au bout d'un moment, évidemment, je lui posais les questions quand j'avais des problèmes de traduction. Il me répondait toujours de manière un peu facétieuse. Alors, il m'a jamais dit, comme Faulkner disait à Maurice Edgar Coindreau, « Oh, ben, tu peux laisser passer ou tu supprimes, non, c'est pas grave. » Non, non. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fonctionnement des maisons d'édition, c'est qu'à partir des années 80, c'est devenu extrêmement sérieux, le rapport à la traduction. Et il y a une espèce de déontologie qui s'est mise en place dans les maisons d'édition française, où on revoyait systématiquement les traductions et il y avait des suggestions, des points d'interrogation de la personne qui était salariée par la maison d'édition et qui était chargée de revoir les traductions. Donc c'est devenu une entreprise, publier un texte d'une langue étrangère en traduction française est devenu quelque chose de très, comment dire, sérieux. Mmh. Avant c'était peut-être un peu foutraque. Je dis foutraque, oui, foutraque. Mais vous avez, je repose cette question maintenant que vous avez donné plus de détails, vous estimez que vous avez la reconnaissance justifiée, même en termes de statut. Pour être très concrète, est-ce que vous touchez les droits d'auteur sur les livres que vous traduisez? Alors, on signe un contrat qui est un contrat d'auteur. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour le droit français, c'est même stupéfiant, le droit français, c'est le traducteur qui est l'auteur du livre. D'accord. C'est le traducteur qui est l'auteur du livre. Donc vous êtes auteur. Donc, quand une traduction, par exemple, n'est plus exploitée par un éditeur, le traducteur peut la revendre à un autre éditeur. Voilà. On signe un contrat qui est un contrat de traducteur, mais qui est un contrat d'auteur, en fait. Mm-hmm. Donc, il y a exactement les mêmes questions à régler. Un avaloir, c'est-à-dire une somme à toucher en plusieurs versements, qui est un avaloir sur les ventes ultérieures, réelles du livre. Ça, c'est avant qu'on remette le texte. Et il y a une date de remise, qui peut être parfois terriblement proche quand l'éditeur est très pressé, ou au contraire extrêmement lointaine quand l'éditeur est un peu... se dit, bon, ce livre, on le publiera dans 5 ans, donc tu as tout le temps pour le traduire. Donc, on touche exactement comme un auteur, et tout est à négocier avec le... Parce que j'ai lu quelque part qu'un traducteur ne touchait que 1% du prix hors taxe d'un livre, c'est vrai ça ? Oui, c'est juste, oui. Alors, 1%, parfois on peut arriver, avec des éditeurs d'une générosité absolument fabuleuse, on peut arriver à 1,5, voire 2. Mais c'est rien ! Voire 2. Si. Un auteur touche 10. Oui, c'est ça. Un auteur touche 10, ça, le public le sait pas non plus. Un auteur ne touche pas 50%, ne touche pas 60%, ne touche pas 40%, il touche 10%. Bon, après, en fonction des tirages. Certains cas, d'ailleurs, pas dans tous les cas. Hein. Et pas dans tous les cas, voilà. Donc vous ne vivez pas des droits d'auteur que vous touchez. Vous vivez des cachets, non. En fait, c'est ça, quand on est traducteur. On vit des avaloirs. Des avaloirs, dans 99% ça. Des cas, on vit des avaloirs, évidemment. On vit des avaloirs, donc il faut négocier un tarif au feuillet. Voilà, bien sûr. Et les tarifs au feuillet, il n'y a pas beaucoup de marge, finalement. Ce qui est beaucoup plus payé, alors, si on rentre dans la cuisine, c'est beaucoup plus intéressant de travailler pour la publicité, par exemple. Comme là, toujours, c'est payé, hein. Oui, où là, c'est payé les Pandore. Intéressant, voilà. Où c'est intéressant de faire des sous-titres de films, où là, c'est en général bien payé aussi. Et c'est beaucoup plus intéressant aussi de faire des traductions techniques. Bon, moi, ça m'ennuie profondément, ça m'intéresse pas du tout. C'est la raison aussi pour laquelle je traduis pas d'essais, a priori. Mais je traduis plutôt... Je traduis de la fiction, oui. J'ai toujours traduit de la fiction et j'ai toujours voulu traduire de la fiction, pas pour des raisons financières, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus mal payé avec la poésie. La poésie est encore plus mal payée, je pense, que la fiction. Mais bon, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Traduire de la fiction, c'est-à-dire me confronter à ce qui échappe au dictionnaire, à ce qu'on trouve pas dans le dictionnaire, c'est-à-dire pas le côté documenté du langage où il faut faire des recherches culturelles ou linguistiques, mais plutôt quelque chose qui tient à ce qui dépasse même l'écrivain. L'écrivain, en l'occurrence Jim Harrison ou Borges quand on traduit l'espagnol, ou Faulkner, ce qui le dépasse et ce qu'il essaye d'atteindre en écrivant son livre. Voilà, c'est cette espèce d'objectif-là qu'on peut appeler le style, qu'on peut appeler le désir d'écriture chez l'auteur, que moi, en tant que traducteur, c'est cette chose-là qui m'intéresse. Mais vous avez votre style propre de traducteur ? Surtout pas. Ah, c'est ça. Non, surtout pas. Le service de celui de l'écriture. Bien sûr, oui. Oui. J'ai peut-être une méthode qui m'est propre, une méthode de traduction, mais surtout pas un style d'écriture. Les gens qui ont un style d'écriture... plus ou moins affirmés ou qui cherchent à affirmer à travers la traduction, sont des traducteurs que je pense exécrables. C'est-à-dire, ils gomment le style ou la voix, plutôt, je préfère dire la voix, en tout cas pour l'américain, la voix de l'écrivain qu'ils traduisent pour imposer la leur. C'est quand même pas terrible, non ? Alors, un autre cliché autour de la traduction du traducteur, on a commenté celui qui disait que celui qui traduit était forcément un traître. Traduire, c'est trahir. Est-ce que le traducteur est un passeur ? Alors ça se dit beaucoup, oui, ça se dit beaucoup. Et en même temps, ça part de bonnes intentions, mais c'est toujours les bonnes intentions qui, parfois, je ne sais pas, mais qui aboutissent à des résultats catastrophiques. Donc non, bon, la réponse est non. Bah, non, la réponse est non. C'est-à-dire que la bonne intention, c'est des gens qui veulent mettre en valeur le traducteur. Et ça, merci, c'est formidable, je trouve ça extraordinaire. Bon. Et alors ils disent, vous êtes le passeur. Non, on n'est pas le passeur, on ne passe... Si je traduisais des modes d'emploi d'aspirateur... Je serais peut-être le passeur de cette chose-là, ou des modes d'emploi de machine à café. Mais maintenant, il y a Google Traduction, et qui, paraît-il, s'est beaucoup amélioré cet an dernier, d'ailleurs, mais j'ai pas regardé, parce qu'au début, c'était plutôt comique. Là, il paraît que c'est beaucoup mieux qu'avant. Bon, là, on passe des informations. C'est un transfert d'informations. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la traduction, c'est pas de transférer des informations, parce que transférer des informations, un dictionnaire, les dictionnaires font ça très bien. Hein. Ou même, les logiciels de traduction sont tout à fait compétents pour transférer des informations, appuyer sur le bouton A, et puis ensuite enfoncer la touche B, et glisser la dosette dans la fente. Bon, bah, c'est parfait, ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour faire ça. Mais à partir du moment où il y a une écriture, les choses se compliquent, et on ne passe plus rien. Plus rien ne passe, parce que soit on a entendu une espèce de musique ou une espèce de voix, on entend des voix, ouais. Et on essaye de rendre cette voix, d'interpréter cette partition avec notre propre voix, soit on est sourd, et quand on est sourd, il faut changer de métier. Alors justement, vous employez le mot d'interprète, interprétation, quand on a entendu tout à l'heure la voix de Jim Harrison, elle était interprétée, dit-on, par Xavier Combes, qui travaille beaucoup avec Radio France et dans cette émission notamment. Est-ce que votre métier de traducteur est le même qu'un métier d'interprète ? Ça n'a rien à voir avec l'interprétariat. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça m'est arrivé de faire de l'interprétariat pour Jim Harrison, pour d'autres écrivains qui venaient. Mais l'interprétariat, c'est bon, scripta manent, et verba volent. Les paroles, ça vole, et l'écriture, ça reste. Bon, ça reste, et on peut le consulter. Vu la durée des livres, actuellement, évidemment, tout ça est stocké sur des banques informatiques. Mais Ça n'a rien à voir, parce que c'est une espèce, l'interprétariat, c'est une espèce d'improvisation permanente. Mmh. Et c'est comme les sous-titres, le sous-titrage des films. C'est-à-dire, on ne garde que l'essentiel et on ne peut pas tout conserver. Et quand un auteur prend la peine d'écrire, il faut que le traducteur se donne la peine de le lire d'abord, de le comprendre, d'entendre peut-être quelque chose qui est voilà. par derrière. C'est quand même aussi une affaire de voix. Oui, bien sûr. C'est une affaire de voix, mais le rendu du traducteur ne passe pas par la voix, il passe par l'écriture. Puisqu'on a la radio, écoutons ces voix, écoutez celle d'Henri Miller. En général, on n'écrit pas les choses comme on parle. Et moi, j'ai toujours écrit comme on parle. Et la vie sexuelle, il me semble, c'est une grande partie de notre vie. Et je n'ai vu aucune raison de ne pas écrire là-dessus. Il y a des gens, des critiques aussi, qui me critiquent parce que je mets trop de philosophie dans mes livres. Alors, on ne peut pas satisfaire tous les gens, n'est-ce pas? D'un côté, ils me reprochent pour les choses sexuelles, hein? Et les autres pour les profondeurs, pas assez approfondies, comprenez-vous? C'était Henri Miller en le 12 mai 1960. Mmh. Henri Miller qui dit qu'il écrit comme il parle. Vous avez traduit deux romans d'Henri Miller, Brice Mathieusson. Alors comment on traduit une voix telle que celle d'Henri Miller? Il faut l'entendre, déjà. Donc il faut, on disait tout à l'heure, il faut pas être aveugle ou être borgne. Mais là, pour le coup, il faut vraiment avoir l'oreille. Il faut avoir une espèce d'oreille. Et entendre, en particulier dans l'américain, quand on traduit comme moi de l'américain, qui n'a rien à voir avec l'anglais. Oui, c'est ça, vous dites pas l'anglais, hein, vous dites non, l'américain. Non, c'est l'américain, pourquoi? Parce que c'est le rapport à l'oralité est extrêmement forte. C'est une des raisons pour lesquelles traduire de l'américain, c'est assez complexe en français, parce que le français est une langue très écrite. Vu l'histoire de la langue, la naissance de l'Académie française, etc., c'est devenu très très vite une langue extrêmement écrite, comme l'anglais d'ailleurs. L'anglais britannique est une langue qui se pratique à l'écrit, qui est évidemment parlée par tous les gens qui parlent anglais, mais aux États-Unis, en Amérique, depuis les origines, c'est une langue dans laquelle l'oralité, la musique est très très importante. C'est pas simplement le gospel, mais c'est aussi le jazz, le rock'n'roll, et tout ça, le rap, tout ça imprègne totalement la musique. Et c'est une langue qui est un melting pot, parce qu'elle a intégré tout un tas de vocables qui viennent du yiddish, qui viennent de l'allemand, qui viennent du suédois, qui viennent de l'italien, de l'espagnol, du français. Bon. Et c'est une langue qui est en évolution permanente, qui s'écarte de plus en plus, je pense, de l'anglais d'Oxford, et qui en même temps n'a jamais été fixée par une académie. Et c'est une langue qui est où l'oralité, comme disait Henri Miller, parce qu'il dit « j'écris comme je parle peut-être que Céline disait aussi des choses comme ça, hein, quand il écrit « Le voyage au bout de la nuit », tout d'un coup il invente un français qui n'était pas le français de l'époque, de son époque où il a écrit ce livre. Bon. Et il y a une espèce d'oralité de l'américain qui imprègne énormément de fiction américaine et qui fait qu'à traduire cette chose-là en français est extrêmement complexe, parce que le français est une langue très carrée, très fixée, avec des usages extrêmement contraignants, et confronté à la souplesse, à cette espèce de fluidité de l'américain, on a beaucoup de mal à faire jouer les articulations et à donner un peu de souplesse aux articulations assez raides de la syntaxe française. Donc c'est pas le même métier de traduire de l'américain que de l'anglais, que de l'allemand. Chaque traducteur, selon la langue qu'il traduit, n'a pas la même méthode de traduction. Absolument, c'est très très différent. Hein. Et sans parler des langues comme le chinois ou le japonais, où là les structures sont totalement différentes, en particulier le chinois. La question de la traduction est venue sur le devant de la scène il y a quelque temps à l'occasion de ce discours. To put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. C'était le 20 janvier 2021, lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, la jeune poétesse de 22 ans Amanda Gorman scande son poème « The Hill We Climb » qui a été repris dans beaucoup de langues. Et en France a eu lieu ce débat. Faut-il que la personne qui traduit le discours d'Amanda Gorman soit, comme Amanda Gorman, noire? Est-ce que cette question est à prendre au sérieux selon vous, Brice Mathieusson? Ah oui, elle est très très à la fois d'actualité, consternante, passionnante. Quelle est votre position ? Ma position, elle est très simple, c'est la même que celle du traducteur de catalan de ce poème, de ce poème. Mais je découvre avec plaisir que c'est agréable à entendre, c'est-à-dire elle y met une espèce de scansion, d'emphase, de rythme un peu proche du slam ou du rap, qui est beaucoup plus intéressante que le texte lui-même, à mon avis. Bon. En fait, le débat est né aux Pays-Bas. Hein. Je disais en France, mais d'ailleurs, c'est pas proprement français. Je parlerai simplement de la réaction du traducteur catalan qui avait été pressenti par la maison d'édition à Barcelone pour publier les œuvres, enfin ce poème de... C'est Victor Obiols, hein, je crois, le traducteur catalan dont vous parlez. Voilà, c'est possible. Oui. Et lui est un traducteur de Homère, donc il avait traduit l'Iliade et l'Odyssée, et c'est aussi un traducteur de Shakespeare. Bon, voilà. Et il a dit, lorsqu'il a été congédié, parce que la maison d'édition l'avait contacté pour traduire ce poème, et finalement, il y a une consigne qui est arrivée des États-Unis. Et je ne sais pas exactement d'où. Est-ce que ça vient de la poétesse, de la jeune poétesse ? Est-ce que ça vient de son agent littéraire ? Est-ce que ça vient de la maison d'édition américaine ? Ça, je ne sais pas. Mais on lui a fait comprendre à ce traducteur émérite qu'il n'était pas qualifié. Il n'était pas qualifié pour traduire ce poème. Mmh. Et il a eu cette réflexion que je trouve formidable. Il a dit : je comprends tout à fait la complexité des problèmes qui sont soulevés. Mais pour traduire Homère, il faudrait sans doute trouver un grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et pour traduire Shakespeare, il faudrait trouver un anglais de l'époque élisabéthaine. Voilà. Je pense que tout est dit dans cette réaction. À la fois la complexité du problème qui est évoqué, c'est-à-dire l'impossibilité de pratiquer à la limite le moindre échange culturel, l'impossibilité de donner à traduire un texte à quelqu'un qui ne serait pas en quelque sorte le double de l'auteur, et on peut se dire, même en poussant le bouchon un tout petit peu plus loin, pourquoi l'auteur ne le traduit pas elle-même en catalan, et elle-même en français, et elle-même en hollandais, bon, et dans toutes les langues du monde finalement, parce que tous les éditeurs du monde veulent publier ce texte. Alors évidemment, on aboutit là à une impossibilité. Et en même temps, le problème concret qu'a dû se poser l'éditeur catalan, c'est je dois trouver une femme noire, une femme donc, noire, activiste, si possible... Mais c'est combien de critères faut-il Il faut l'auteur. Cocher un nombre de cases assez incroyable, et ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein, mais ça. Vous pensez qu'il faut en cocher tout simplement ? Enfin, est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce que le seul critère pour un traducteur, c'est d'avoir la compétence technique pour traduire ? Ou est-ce qu'il doit y avoir quand même une question de similitude, au-delà de la question de la couleur de peau ou du genre ? Moi, il me semble que le critère qui est totalement exclu par les exigences qui viennent des États-Unis, je reste vague hein, sur ce terme, qui viennent des États-Unis, le seul critère qui est exclu, c'est la compétence linguistique. Et je trouve ça atterrant. C'est-à-dire, on va trouver quelqu'un qui va cocher toutes les cases, mais qui ne connaît rien à la littérature, et ben on va prendre cette personne, hein, c'est formidable, hein. Extraordinaire. Une dernière question, comment ça se passe dans votre tête quand vous devez traduire cette personne ? Moi, j'avais éprouvé un cancer très avancé, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et il y a 2 ans, plus que 20 ans après, j'étais diagnostiqué avec un autre cancer, complètement nouveau, n'a rien à voir avec ce que j'avais il y a 20 ans. Et quand on entre ce labyrinthe de la grande maladie et on est concentré complètement sur cette lutte pour la vie et toutes les souffrances de la maladie et du traitement, de chimiothérapie qui peut être très dur, il y a une espèce de purification. On souffre, mais c'est pas simplement la souffrance. Il y a aussi un dépassement de soi qui peut être positif. C'était la voix de Suzanne Sontag en 2001 au micro de Chantal Thomas, la série Avenue sur France Culture. Vous avez traduit, Brice Mathieu-Son, le texte de Suzanne Sontag, Le sida et ses métaphores, en 1989. Mmh. On a parlé de quelques exemples de traductions que vous aviez fait. Ce texte-là en particulier, comment est-ce que vous l'avez abordé ? Ben, je l'ai abordé... C'est un essai, vous avez dit que vous traduisez beaucoup d'essais. C'est un essai. C'était pour Christian Bourgois, et donc c'est Christian qui m'avait proposé de le traduire, et évidemment j'ai accepté. Il y a parfois des problèmes avec des auteurs qui sont, enfin des problèmes, c'est pas des problèmes, mais des échanges courtois, mais fermes. C'est-à-dire que avec Suzanne Sontag, je me souviens qu'on avait beaucoup échangé, et elle a la conviction, elle parle bien français, ouais. Elle parle correctement français, mais elle a des failles, des petites failles. Bon, et ces petites failles font que lorsqu'elle lit un texte, elle voit des fautes là où il y en a pas forcément, mais à d'autres moments, elle est tout à fait, c'est tout à fait correct les suggestions, les corrections, les bon. Et donc c'est parfois avec avec certains auteurs, et ça a été le cas avec Suzanne Sontag, la relation peut être parfois un peu difficile, où on se, c'est pas qu'on se heurte, mais elle fait des suggestions qui sont mal à propos, comme on dit. Voilà. Et je me souviens par exemple qu'elle faisait pas la différence entre la chose même et la même chose. Elle faisait pas la différence avec ça. Voilà. Donc elle est tout à fait, on l'entend parler, elle parle très bien. Ouais. Mais il y avait des petites failles, et donc elle cochait moi dans mon texte, elle soulignait quand je disais la même chose, elle me disait non, c'est la chose même. Et alors que c'était the same thing en anglais. Bon, alors donc ça faisait un petit problème, mais c'était pas grave du tout, quoi. Mais ce texte-là, je m'en souviens bien parce que c'était quand même en plein dans la vague du sida, oui, hein. 89, oui. Ouais. En plein dans la vague du sida, oui. Et elle avait élaboré cette réflexion autour de la maladie, en essayant de déjouer tous les pièges de la morale que les Américains moralisateurs avaient, toutes les étiquettes avaient collées aux victimes du sida à ce moment-là. Oui. Alors, puisqu'on avait beaucoup parlé de la musicalité du traducteur et de l'écrivain, on avait prévu, pourquoi pas, on l'a d'ailleurs, on peut l'entendre, une chanson de Jacques Kerouac qui est pas très connue, hein, qui s'appelle On the Road, mais qui n'est pas sur la route, et c'est une chanson absolument bouleversante. Mais vous êtes venu avec une suggestion, Brice Mathieu-Sand, La Complainte du Progrès de Boris Vian. Pourquoi cette chanson? 1956, ouais. On est en pleine société de consommation, c'est l'essor de la société de consommation, et à cet essor, au progrès, Boris Vian oppose la plainte, la déploration, la consternation même. La consternation, en disant, ça va se réduire à ça. Donc il y a un côté prophétique en 1956, et en plus, je trouve, mais ça rejoint un petit peu mon histoire personnelle, c'est-à-dire, au lieu de devenir ingénieur, je suis devenu traducteur. Donc, au lieu de concevoir des tourniquettes pour faire la vinaigrette, c'est une des expressions de Boris Vian dans la chanson, j'ai préféré traduire des auteurs de la Beat Generation. Alors, et vous préférez écouter la version de Boris Vian, de Juliette, de Bernard Lavillier ou de Chanson plus Bifluorée? Alors, je connais bien celle de Boris Vian, j'adore celle de Boris Vian, moi. Oui. On l'écoute? Oui. Et la voici. Parfait. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Et on l'a entendu, hein, la tourniquette pour faire la vinaigrette. Et je vous remercie d'être venu. J'étais très heureuse de vous entendre parler de votre métier de traducteur. Et on n'a pas parlé de votre métier d'écrivain. Je recommande la lecture de La Vengeance du Traducteur, votre roman aux éditions P.O.L. C'était en 2009. On lit avec bonheur comment un traducteur qui se met à écrire va se venger de son lecteur avec des notes de bas de page qui ne font pas de sens comme un jeu de piste. C'est vraiment un régal de lecture. On mettra tout ça en lien sur le site des Chemins de la Philosophie. Excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. Il est temps d'accueillir Frédéric Worms et sa chronique philosophique quotidienne, Le pourquoi du comment. Pourquoi y a-t-il des devoirs envers l'avenir? Il semble y avoir, au fond, quelque chose de paradoxal dans le moment présent en tant qu'il se projette dans la possibilité même d'un avenir de ce qu'on appelle aussi les générations futures. Notre monde contemporain est hanté par le risque que l'avenir soit rendu impossible, que les générations futures des humains ne puissent pas survivre sur une Terre qui aurait été dévastée par la catastrophe climatique et peut-être par d'autres, car les guerres n'ont pas disparu. Et l'écologie se signale justement par un nouveau type de devoir qui a été formulé dans un premier temps par le philosophe Hans Jonas à la fin des années 1970, un devoir paradoxal, une responsabilité paradoxale qui est une responsabilité non pas à l'égard des vivants en danger devant nous, sous nos yeux, mais une responsabilité étrange à l'égard des générations futures. Oui, nous devrions tenir compte maintenant dans nos vies d'un type de devoir inédit, car il ne s'est jamais présenté à la conscience des humains en tant que tel, ce devoir envers des générations futures, pris au sérieux comme devoir, et donc avec des conséquences sur nos propres vies, comme si nous devions restreindre les droits des vivants pour respecter les droits d'êtres humains et non-humains qui ne sont pas encore nés, qui ne sont pas sur cette terre. Comment pouvons-nous accepter de restreindre nos droits pour les droits des générations futures? Hans Jonas en avait fait un impératif catégorique minimal et beaucoup plus modeste que l'impératif de Kant. Il le formulait de la façon suivante: « Agis de telle sorte que l'humanité soit encore possible à l'avenir ». C'est un impératif à la fois maximal, car nous devons tous faire en sorte que une humanité soit encore possible plus tard. Et c'est un impératif aussi minimal, car ça n'est pas très enthousiasmant de fonder toute notre vie simplement sur la possibilité de l'avenir, sur la survie d'une génération future, quelle qu'elle soit. Mais quel est, au fond, ce nouveau devoir? Pourquoi y a-t-il un devoir envers l'avenir? Au fond, Hans Jonas allait plus loin, car le modèle de la responsabilité envers les générations futures, pour lui, c'est d'abord la responsabilité envers la toute première génération future, envers le nourrisson que nous avons sous les yeux. C'est d'abord cette vulnérabilité de celui qui vient de naître, qui est notre première responsabilité envers l'avenir. Et en fait, il faut même aller encore plus loin que lui. La responsabilité envers le nourrisson, ça n'est pas une responsabilité future, c'est une responsabilité présente envers le vivant, en tant qu'il se continue déjà vers l'avenir. L'avenir, il ne faut pas se le représenter comme à distance de nous, séparé par un vide. L'avenir, c'est ce que nous construisons dès maintenant, ce sans quoi, en réalité, nous ne pouvons pas vivre. Bien sûr, il faut se représenter les générations futures, il faut se représenter les conditions pour une survie de l'humanité dans un avenir lointain, mais en réalité, ce que nous rend cette responsabilité à l'égard de l'avenir, c'est le sens de notre propre vie maintenant, car le devoir des vivants a toujours été fondé dans une action qui commence la suite, dans une action qui institue des possibles, qui préserve et qui crée même les conditions d'un avenir, mais qui les crée maintenant. Oui, ceux qui ont créé des écoles, des hôpitaux, planté des arbres, ce sont des êtres qui ont, dès maintenant, construit la possibilité de l'avenir. Ce n'est donc pas une responsabilité abstraite pour des générations futures, c'est l'acte concret de construire les cadres où elles prendront place. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Audrey Guélil et on se retrouve lundi prochain. Ce sera l'occasion pour vous de redécouvrir une série d'émissions, la série autour de Roland Barthes, confinée avec les fragments amoureux de Roland Barthes. On vous parlera d'attente, de je t'aime, de la jalousie et de la scène de ménage. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant, podcastant l'émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de répondre à vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.